Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons à étudier l'évangile de Jean. On est au chapitre 8, où Jésus va faire une grande déclaration. « Je suis la lumière du monde. » Notre bon Père du ciel, conduis-nous encore ce matin pour qu'on puisse saisir la plénitude de cette grande vérité que Jésus est la lumière de ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons. La seule source de lumière spirituelle. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Jean, n'oublions pas ça. Étudier la Bible dans son contexte, c'est un absolu. Il faut le faire comme cela si nous voulons saisir les leçons que Dieu veut nous donner. Jean a écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Donc, il faut le lire avec cette option-là. Je veux comprendre ces textes pour être convaincu dans mon cœur, dans mon esprit, que Christ était bien le Fils de Dieu aussi, et qu'il peut me donner la vie éternelle si je crois en lui. Donc, on se souvient que Jésus était à la fête des tabernacles, et ensuite de ça, il a retourné au temple pour enseigner, et là, il a eu cette rencontre avec les pharisiens et la femme adultère qu'on a vue hier. Nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. » Car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Jésus parla de nouveau. Dans l'évangile de Jean, Jésus est appelé la parole. C'est pas par hasard que Jean a choisi ce terme pour le représenter, la parole. Parce qu'il parle. Il parle. Dans Jean, c'est Jésus qui parle. Il parle pas de n'importe quoi, il parle de lui-même et de Dieu. Il nous parle de qui il est. C'est donc important de se souvenir de cela. Il n'est pas en train de nous dire comment vivre une meilleure vie chrétienne. Il est en train de nous dire qui il est. Écoutons bien ses paroles. Aujourd'hui, il nous dit, « Je suis la lumière du monde. » Pourquoi se présente-t-il de même? Il l'avait dit dès son prologue. Il a dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Pourquoi il est lumière? Pourquoi nous avons besoin de lumière? Pourquoi qu'il vient en tant que lumière? Ce que nous avons vu jusqu'à date, ce que le monde est ténèbres. Quand nous disons que le monde est ténèbres, ça veut dire que c'est les gens qui sont ténèbres. C'est pas la planète qui est ténèbre. C'est pas que la planète est absente de soleil ou de lune, d'étoiles ou de lumière. C'est que les gens sont ténèbres. Si Jésus est la lumière du monde et que les gens sont ténèbres, c'est que Jésus n'est pas présent dans la vie des gens. Quand Jésus vient dans la vie des gens, ils deviennent des enfants de lumière. Quand Jésus se présente comme la lumière du monde, il faut comprendre, puis on va l'accepter seulement si nous croyons que nous sommes dans les ténèbres. On se fout de lumière si on est en plein jour et qu'on n'est pas dans la noirceur. Mais quand on est dans les ténèbres totales et complètes, nous voulons la lumière. Donc, une lumière, c'est faite pour éclairer, c'est faite pour qu'on voit. Ici, la lumière est faite pour qu'on voit qui Dieu est. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit « C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » C'est par la lumière que Jésus apporte dans le monde que nous pouvons voir qui nous sommes et qui Dieu est, qui Christ est. La lumière, c'est pas pour m'éclairer, pour que je puisse choisir la bonne épouse quand je veux me marier, ou que la bonne maison, ou choisir la bonne job. Non, c'est pour que je puisse voir Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit après, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il va avoir la lumière de la vie. » Donc, celui qui me suit, ou celui qui croit en moi, ou celui qui me boit, ou celui qui me mange, comme dans le chapitre 6, celui-là ne marchera pas dans les ténèbres. Faites attention, il n'est pas en train de dire que je ferai plus jamais de péché. Non, mais que je vais comprendre qui est Dieu, je vais comprendre qui est Christ, je vais comprendre le monde dans lequel je suis, je vais comprendre qui je suis en tant qu'être humain pécheur, mais pouvant être sauvé par la grâce de Dieu. La lumière va éclairer mes ténèbres. Donc, c'est comme le psalmiste dit dans le psaume 119, « Comment est-ce que je vais éclairer mon chemin? » C'est par ta parole. Ta parole éclaire mon chemin. Donc, la parole de Dieu, Dieu lui-même ou Jésus lui-même, étant avec moi, il éclaire mon monde autour de moi. Pour que je vois la réalité, pour que je vois la vérité. La vérité pour que je ne pêche point, et la vérité pour quand je pêche, je m'en rends compte. Mais au lieu de marcher dans les ténèbres, il va avoir la lumière de la vie. La vie, c'est la source de la lumière. Jésus est la vie, Jésus est aussi la lumière pour nous éclairer. Quelle grande vérité! Donc, tous ceux, je peux dire, conclure ici, à partir de ce verset-là, tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie marchent dans les ténèbres 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font de leur vie, qu'ils soient dans des couvents, dans des collèges, dans des églises, qu'ils soient dans des lieux de prostitution, ils sont dans les ténèbres. C'est pas le lieu où je me trouve qui détermine si je suis dans la lumière ou dans les ténèbres. C'est pas ce que je fais qui détermine si je suis dans la lumière ou dans les ténèbres. C'est est-ce que Jésus est avec moi? C'est ça qui détermine si je suis dans la lumière. Et s'il n'est pas avec moi, je suis dans les ténèbres. Après avoir fait une telle déclaration, les gens qui ont écouté, au verset 13, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Oh ouais, c'est facile ce que tu dis. Tu peux pas te déclarer qui tu veux. Oh, on peut bien dire, nous autres, qu'on est des anges, mais ça fait pas de nous des anges à cause qu'on dit ça. Donc, tu dis que tu es la lumière du monde, mais ton témoignage n'est pas vrai. Tu peux dire ce que tu veux. Et la réponse de Jésus, si on fait pas attention, peut nous troubler un petit peu. Jésus leur répondit, « Quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. » Donc, les autres, ils disent, « Tu comptes un mensonge quand tu dis que tu es la lumière du monde? » Jésus dit, « Non, je dis la vérité. Mon témoignage à mon sujet est vrai. » Tout ce que j'ai dit à mon sujet au travers de l'évangile de Jean, c'est vrai ce que je dis. Donc, là, je viens de vous dire que je suis la lumière du monde. C'est vrai. Car, là, il donne la raison pourquoi que c'est vrai. Car je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Donc, son origine détermine que ce qu'il dit est vrai. C'est intéressant, hein? Il dit, si vous saviez d'où je suis, d'où je viens, vous seriez sûr et certain que mon témoignage est vrai. Vu que je suis un être céleste, que je suis venu de Dieu, et que je sors de Dieu, et que je viens de Dieu, que je suis sorti du sein du Père, vous conclureriez que mon témoignage est vrai. Parce qu'il n'y a pas de mensonge dans le Père. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Il n'y a pas de fausseté en Dieu. Dans le ciel, c'est la vérité. Dans le ciel, quand Dieu parle, c'est vrai. Quand je parle, c'est vrai. Quand l'Esprit de Dieu parle, c'est vrai. Quand les anges parlent, c'est vrai. Nous disons la vérité dans le ciel. Sur la terre, c'est le mensonge. Il va le dire un peu plus loin. Votre Père à vous, c'est le menteur. Donc, quand l'être humain parle, c'est mensonge. Mais quand je parle, c'est vrai. Mon origine fait que tout ce que je dis, c'est vrai, parce que dans mon monde à moi, c'est la vérité qui règne. C'est la vérité qui existe. Il n'y a pas de mensonge dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit que dans l'Apocalypse, dans la nouveau sud, la nouvelle terre, dans la nouvelle ville, il n'y entre pas aucun menteur. Son origine détermine que quand il déclare des choses à son sujet, son témoignage est vrai. Quel beau témoignage à son origine divine. Je viens du ciel et dans le ciel, quand nous parlons, nous disons la vérité. Vous, au contraire, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Si vous sauriez d'où je viens et où je vais, vous accepteriez mon témoignage sans parole. Hein? Sans parole. Si vous croiriez que je viens de Dieu et que je vous apporte le message de Dieu et que je vous parle de la part de Dieu, vous croiriez ce que je dis sur moi-même. Verset 15. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne selon la chair. C'est ça qui est sous-entendu. Vous jugez selon la chair. Vous jugez avec des principes humains. Vous jugez avec, comme l'homme juge. Vous jugez avec les principes de qui vous êtes. Et vous êtes des gens qui sont des pécheurs. Vous jugez en tant que pécheur, avec les capacités d'un pécheur. Donc, votre jugement est erroné. Votre jugement est faux. Et au verset 16, il dit, « Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. » Donc, dans la loi, il disait que quand un homme parlait, hein, quand un homme rendait un témoignage, c'était pas suffisant, parce que on se trace pas entre nous. Et c'est pour ça que quand on va en cours, on dit « Mets ta main sur la Bible, là, puis jure que tu vas dire la vérité, parce que on n'est pas sûr que tu vas dire la vérité. » Donc, on essaie de t'engager par un serment que si tu dis pas la vérité, tu vas être puni. Parce que l'être humain est reconnu pour être un menteur. Donc, c'est pour ça qu'on passe sur des avocats, puis qu'on passe sur des notaires, puis c'est pour ça, parce qu'on se trosse pas. Si je dis que j'achète la maison, tu ne trosses pas. Tu vas signer sur un notaire, parce que sans ça, je te fais pas confiance. Ça prend des témoins. Hein? S'il y a pas de témoins, on fait rien, parce que on n'est pas sûr que la personne dit la vérité. Donc, on disait, faut qu'il y ait deux ou trois témoins. Et là, on va croire qu'il y a une possibilité, il y a une grande chance que ce soit la vérité. Mais c'est pas toujours la vérité, même s'il y a deux ou trois témoins. Hein? On sait ça aussi. Il dit, moi, je suis jamais seul. Mon Père est avec moi. Et à cause que mon Père est avec moi, mon témoignage est vrai. C'est vrai que je rends témoignage de moi, mais mon Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il l'avait dit dans les autres chapitres aussi la même chose. Le Père rend témoignage de moi par les œuvres qu'il m'a confiées d'accomplir. Je rends témoignage Dieu a rendu témoignage au Fils de qui il est par les œuvres qu'il lui a confiées d'accomplir. L'œuvre de faire connaître le Père, l'œuvre d'emmener la vie dans le monde, l'œuvre d'emmener la lumière dans le monde, l'œuvre d'enlever la mort de ce monde par sa mort à la croix. Les œuvres que Jésus-Christ doit accomplir prouvent sa divinité, prouvent qu'il est la lumière du monde, prouvent qu'il est la vérité, prouvent qu'il est la vie, prouvent qu'il est le Créateur. Donc je ne suis jamais seul. Quand je parle, je ne parle pas de moi-même, je parle de ce que le Père dit avec moi. Donc on est les deux ensemble. Il va finir par dire la déclaration au chapitre 10, « Moi et le Père, nous sommes un. On est deux, mais on est un. » Donc quand on parle, je suis jamais seul quand je parle. Le Père est toujours avec moi. Quel grand appui au témoignage qu'il a rendu de lui-même, « Je suis la lumière du monde. » Celui qui a Christ dans sa vie ne marche jamais dans les ténèbres. Que je pêche, que je ne pêche pas, ça m'enlève pas ma lumière. Parce que la lumière n'émane pas de moi, elle émane de celui qui est avec moi, qui est Christ. Et cette même lumière éclaire quand je fais le bien, et elle m'éclaire aussi quand je fais le mal. Elle m'éclaire constamment, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Elle éclaire ma vie. Parce que c'est ça que Jésus dit. Il ne marchera pas jamais dans les ténèbres. C'est pas, il ne marche pas dans les ténèbres quand il dit la vérité ou quand il marche dans la vérité. Non. S'il croit en moi, s'il me suit, il ne marche pas dans les ténèbres. Notre bon Père du ciel, quelle merveilleuse vérité tu nous déclares aujourd'hui. Tu es la lumière de nos vies. Tu es dans chacun de tes enfants par l'Esprit de Dieu, qui est aussi lumière, hein? Parce que Dieu est lumière dans les trois personnes. La lumière de la vie nous appartient maintenant, parce que nous suivons Jésus, nous buvons Jésus, nous croyons Jésus. Donc sa lumière, sa vie est en nous. Au nom de Jésus, Amen.